Arthur Rimbaud, Les Effarés. Noir dans la neige et dans la brume, au grand soupirail qui s'allume, leurs culs en rond, à genoux, saint petit, misère, regarde le boulanger faire, le lourd pain blond. Il voit le fort bras blanc qui tourne, la pâte grise, et qu'il enfourne dans un trou clair. Ils écoutent le bon pain cuire. Le boulanger au gras sourire chante un vieil air. Ils sont blottis, pas un ne bouge, au souffle du soupirail rouge, chaud comme un sein. Et quand, pendant que minuit sonne, façonné, pétillante et jaune, on sort le pain, quand, sous les poutres enfumées, chantent les croûtes parfumées et les grillons, quand ce trop chaud souffle la vie, ils ont leur âme si ravie sous leur haillon. Ils se ressentent si bien vivre, les pauvres petits pleins de givre, qu'ils sont là, tous, collant leurs petits museaux roses au grillage, chantant des choses entre les trous. Mais bien bas, comme une prière, repliée vers cette lumière du ciel rouvert. Si fort qu'ils crèvent leurs culottes et que leur lange blanc tremblote au vent d'hiver.